I can't help. Surprise, motherfucker. Salut à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans Rock and Talk. Pour Radio Montmirail. Exactement. Ne l'oublions pas. Et ça y est, aujourd'hui, on a enfin réussi à le caser dans le bon ordre sans se planter. Exactement. Et oui. C'est fabuleux. Faut le noter, à marquer d'une pierre blanche. Exactement. Mais je crois que c'est pour le retour du fabuleux duo. Exactement, le retour du fabuleux duo et pour la saison 3. Et oui, de voilà, Rock and Talk. La saison 3, premier épisode, ça y est, on essuie les plâtres. Et oui, attends, nous on surpasse Walking Dead et autres Game of Thrones, mesdames et messieurs. Bah oui, et oui, tout le monde nous attendait, c'est bien évident. Nous sommes une fiction audio à nous tout seuls. Ah, exactement. Ah là là, H.G. Wells doit s'en retourner dans sa tombe. Je ne sais pas qui c'est. La guerre des mondes, tu sais. Ah oui, oui, d'accord. Oui. Quel rapport ? Ah oui, bah oui. Oui, ah, oui, la fiction radiophonique, tu sais, tout ça, hein. Oui, c'est sûr. Et on revient de force. Et on aujourd'hui, force, mesdames et de messieurs, loin, et de loin. Oui, parce qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous n'irons pas avec le dos de la cuillère. Oh non. Non, aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on a appelé, nous, les bloopers du rock. Alors, dis-nous ce que c'est, les bloopers du rock, pour les jeunes incultes qui nous écoutent. Ben, les bloopers du rock, chers amis, c'est une longue histoire. Nous avons donc plus d'un demi-siècle de rock, bien entendu marqué par d'excellents groupes, d'excellents albums. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qu'un bloopers ? Alors, un bloopers, bah, c'est tout simplement un bêtisier, un raté, quelque chose de nul, complètement à chier. Oui, effectivement. Voilà. Donc, on va commencer par une toute petite introduction tout de même. Oui, ben, je te laisse donc la parole, mon cher ami. Oh, c'est bien aimable. Mais oui. Donc, nous serons tous d'accord là-dessus. Entre les années 50 et jusqu'à aujourd'hui, on a eu de sacrés bons groupes qui ont défilé. Mais certains musiciens... Pardon, excusez-moi. Mais certains musiciens ont beau être des légendes, ils ont eu de sacrés coups bas au niveau des inspirations. On sera d'accord là-dessus. Ouais, largement. Et fort heureusement, quand nous avons fait cette rubrique, nous avons remarqué, Antoine et moi, que c'était surtout vers la fin des années 80 jusqu'à nos jours. Bah. Je pense que l'album d'un des groupes les plus légendaires qui nous est marqué, quand même, ça restera Black Eyes de la AC/DC. Qui nous a. Comment dire ? Laissé sur notre fin. On va là, c'est ça. Même pas. Non, même pas. Bah ouais, non. Non, je. Limite déçu quand même. Ouais, non, oui, déçu. Alors, juste, nous rappelons quand même que pour cette rubrique de cette fois-ci, c'est un avis commun entre Antoine et moi. C'est notre point de vue totalement personnel. Et si vous faites des gens qui apprécient les albums dont nous allons parler, eh ben, nous sommes un peu vos exorcistes. Hein. Voilà, jeunes pêcheurs, nous sommes là pour vous sauver du diable, n'est-ce pas, Antoine ? Exactement. Donc, parlons donc en introduction de ce fameux album Black Eyes. Donc, il est sorti en 2008, c'est le 15e album du groupe des Frères Young, à CDC. Oui. Alors, malgré le fait que nous ne l'apprécions pas, ça a quand même été l'album le plus vendu cette année-là. Ce qui est quand même assez dingue. Voilà, mais bon, il faut quand même se rendre compte que le deuxième album le plus vendu cette année-là, c'était Viva la Vida de Coldplay. De c'est là où ça fait quand même vraiment, mais alors vraiment mal. À savoir aussi que Black Eyes est sorti plus de 8 ans après Stuff Upper Lips, qui est donc l'album précédent. Oui. Ce qui est donc le plus grand écart en fait, entre deux albums sortis pour CDC. Et donc du coup... 8 ans et demi, ouais, c'est long. Ouais, 8 ans et demi, c'est très très long. Comme quoi, c'est pas parce qu'on reste plus longtemps aux toilettes que la merde sera plus belle. Effectivement. Et voilà. Donc maintenant... Qu'est-ce qu'on pense de cet album en soi ? Parce qu'on dit ça, mais pourquoi on l'aime pas ? Alors, petit A... grand 2, putain. Pourquoi je chie littéralement sur Black Eyes ? Alors, moi je tiens à mettre une petite parenthèse sur Rock'n'Roll Train. Voilà, c'est ce que j'allais qui dire. Qui reste donc, le plus AC/DC. Rock'n'Roll Train était un morceau potable pour AC/DC. Qui aurait dû sortir beaucoup plus tôt. Oui, qui aurait dû sortir beaucoup plus tôt parce qu'il sonne, vraiment AC/DC de la fin des années 70. Ouais, carrément. Mais c'est, bah, en fait, il sonne, ce que je viens de dire, hein, il sonne AC/DC, ouais, tout voilà, simplement. Il sonne vraiment AC/DC. T'as envie de l'écouter. Alors qu'on est d'accord que pour la suite, c'est un peu. Je sais pas, moi je trouve ça un peu lourd et c'est hyper répétitif. Je sais pas si t'as remarqué ça, Antoine. Moi j'ai trouvé ça. Je sais pas, c'est pas le rock qu'on attendait. Je pense que c'est plus un album justement qui a joué sur la notoriété et surtout qu'à cette époque-là, en fait, je sais pas si tu te souviens, c'est quand Shoot to Thrill et Thunderstruck ont été remasterisés pour le film Iron Man. Oui, 2. Oui, exact. Oui, oui, oui. Et je pense qu'ils ont joué à ce moment-là. Ouais, ils ont joué de ça. Parce que AC/DC, il a pas été oublié. Je pense que c'est un groupe qu'on peut pas oublier. Mais et dans les années 80, justement, il y a eu une très grande traversée du désert pour ce groupe. Oui, ils c'est ont ça, été ouais. totalement oubliés. Et je pense qu'en fait, justement, ils ont profité de ce moment où ils ont utilisé la notoriété aussi d'Iron Man, qui est un film qui a bien marché, quoi qu'on en pense. Et du coup, ils se sont dit, on va sortir un nouvel album en même temps, comme ça, ça va nous faire... Voilà, ça va faire un petit coup de pub, voilà. Donc voilà, mais après, pour résumer aussi, on va dire que, malgré ce qu'on dit, ils ont été premiers aux charts dans 16 pays, ils ont gagné un Grammy Award pour War Machine, donc meilleure interprétation hard rock, et ils ont été sélectionnés pour le meilleur album rock. Et je tiens tout de même à rappeler que c'est 21st Century Breakdown de Green Day qui a gagné. Ouais. On parle de rock, Green Day, merci. Ouais, passons. Bon, passons. Cet coup. Album, donc, nous a déçus, mais cela ne vous empêche pas de l'aimer, bien sûr. Black oui. Ace, et on va dire... Totalement excusable. Et voilà, c'est excusable. Mais par la suite, attention à vous, mesdames et messieurs, rockers, rockeuses, apprêtez-vous à entrer dans une nouvelle dimension, qui ne conçoit pas seulement en termes d'espace, mais où les portes entrebâillées du temps peuvent se refermer sur vous à tout jamais. Voici les albums maudits, des plus grands groupes. Et j'espère pour vous, entre parenthèses, que vous aurez remarqué l'introduction de la quatrième dimension. Mon cher confrère, ma sainte personne, a busqué pour vous une poignée de caca sortie directement de l'arrière-train du démon. Roulement de tambour. Zenyatta Mandata de Police, Suck It and See de Arctic Monkeys, The Soft Parade des Doors, Uno, Dos, Tres de Green Day. Eh oui, mesdames et messieurs, on a débusqué ça pour vous et ça va être sympa à écouter. Et donc, au final, donc pour... tirer littéralement sur l'ambulance, achever le tout et mettre une balle dans la tête de l'histoire du rock. Entre les deux yeux, nous allons parler bien évidemment du groupe. Enfin, bien évidemment, juste enfin, de plus de notre amour, entre guillemets. Voilà, mettez de grosses, grosses guillemets. Amour inconditionnel et totalement grandiose porté à ce groupe, le groupe de des frères Gallagher. Je veux bien entendu. Je veux bien entendu parler. Bien entendu. Le français, bon, je l'emmerde. Ah, bah oui, moi, parle très bien par cœur la France. Donc, plus que toi. Le groupe des frères Gallagher. Le groupe des frères Gallagher, je veux bien entendu parler. Parler. Non, c'est pas ça. Bon, bien... passons. Bon, on parle d'Oasis, quoi. Oui, voilà, on va parler d'Oasis. C'était fabuleux, c'est magnifique. Donc. Mais rappelons, mon petit Antoine. Mais rappelons donc, nous savons d'avance qu'une certaine majorité des personnes qui écouteront cette émission ne seront pas d'accord avec nous. Et mais bon, nous sommes en démocratie, tout le monde a sa voix et sa parole à dire. Son avis. Mais la différence, c'est que nous, on a des micros. Voilà. Donc, résultat des courses, c'est nous qui parlons et vous qui écoutez. Mais bon... Parce qu'on est gentil, magnanime et qu'on s'appelle pas Trump, votre avis nous importe. Bienvenue en 2016. Voilà, bienvenue en 2016. Et notre avis vous importe. Votre avis nous importe. Donc mettez-le dans les commentaires en dessous de l'émission, sur Facebook, sur SoundCloud ou sur Twitter et tout ce que vous voulez. C'est ça. Voilà. Du coup, pour pallier à tout ça, nous avons pensé que au lieu de vous mettre des morceaux de merde, ce qui serait un peu regrettable, nous allons vous passer. Une des meilleures musiques de chaque groupe dont nous allons parler. Et je pense qu'on va s'envoyer un petit morceau d'AC/DC. Exactement. Et donc, nous allons écouter It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll de l'album High Voltage, le premier album du groupe AC/DC sorti en 1978. Show. Et nous voilà de retour après cet excellent morceau. Hein, on apprécie. Donc, comme dit précédemment, il est sorti donc de leur premier album, High Voltage. High Voltage, yeah. Qui est un excellent album et que je vous conseille à tout prix. Oui, et c'est la première musique que j'apprécie. Rock avec de la cornemuse, c'est quand même un peu ouf. Oui, je trouve, oui. C'est bien trouvé. Mais en même temps, faut dire que Bon Scott était un putain de génie musical. Ah bah oui, je crois que c'est Bon Scott. Bah oui, oui, Bon Scott, c'est le chanteur d'ACDC, hein, pas l'autre. Arrête, il est bien, Ryan Johnson. Oui, mais... Le deuxième, j'en ai aucune idée de qui c'est. Genre, il a fait combien d'albums, lui? Parce qu'il y en a eu trois. Brian Johnson? Non, il y a eu trois chanteurs, non, pour ACDC? Non. Il n'y en a eu que deux? Oh, le troisième, ça a été... Je ne sais pas. Ah, mais si, c'est pour le, justement pour la dernière tournée, puisque Brian Johnson, oui. Ça a été le chanteur de Guns N' Roses. Il nous fait une crise, Stop, arrêtez-le. Bref. Rose. Ah, ça fait mal. Putain. Quitte à nous faire une crise, parle-nous d'un album qui t'a fait mal, mon ami. Parle-nous de Zenyatta Monata de Police. Des groupes de rock d'excellence, il y en a eu. Des groupes de rock dont je suis fan, il y en a eu aussi beaucoup. Mais Police est largement au-dessus du panier. Oh oui. Bien au-dessus. Je connais leur discographie par cœur, leurs lives cachés, je les ai vus, leurs enregistrements pirates, je les ai écoutés. Et pourtant, il y a une œuvre maudite. Nom de Dieu. Une œuvre que l'on ne doit pas déterrer. Et pourtant, j'ai pris ma petite pelle à merde, je suis allé creuser au fond du jardin, j'ai atterri en enfer, et mesdames et messieurs, ce que j'y ai vu m'a changé à tout jamais. Ou t'as juste foutu une sacrée gerbe, je pense. Oui, je crois, oui, surtout, oui. Donc, bref, chers auditeurs, chères auditrices, voilà pour vous. Roulement de tambour, Louis. Encore oh, ah oui, non, mais si, je sponsorise. Je veux un sponsoring. Zenyatta Mondata de Police. Oh là là. Rien que le nom, t'as l'impression d'avoir un parfum pour chiottes. Ouais, ça sent la merde. Ah ouais, non, mais c'est affreux. Hein. Et donc, pour la petite formalité, il est sorti le 3 octobre 1980 chez AAM Records, quand même. Maison de production qui a quand même accueilli Joe Cocker et Marilyn Manson. Joe Cocker. Ouais, bah, qui en abusait un peu quand même. Donc, cet album comporte 11 pistes et a été classé premier aux charts en 1980 pendant une putain de semaine. Et ça peut être long, une semaine. Oh mon Dieu, que c'est très long. Imagine donc, entendre Zenyatta Mondata pendant une semaine dans toute ta vie. Oh putain, non. Ah non. Rien que dans ma tête, j'ai la tronche à Sting qui, là, pour le coup, ressemble à un Beatles faire dou dou dou da da da. All I want to say to you. Magnifique interprétation. Incroyable. Je suis mais transporté par tant de transfuges musicales absolument incroyable, je suis en train de partir totalement dans les hautes sphères de la musique. C'est quelque chose qui me transporte littéralement. Non, sans déconner, cet album est pourri, cet album est à chier, cet album est nul et renul. Je n'en peux plus de cet album. Mais pourquoi, mon cher Antoine? Mais pourquoi? Parce que c'est un album de variété. Tout le monde a écouté Regatta de Blanc, tout le monde connaît par cœur Outlandos d'amour avec des morceaux comme Can't Stand Losing You ou Message in a Bottle ou Regatta de Blanc qui sont des morceaux qui sont énormes, qui te foutent une claque dans la gueule quand tu les découvres. Et là, derrière, ils te sortent un album dont le morceau phare s'appelle Dou Dou Dou Da Da Da. Tu viens de faire friser les micros, mon ami. Je sais, c'est le son de ma colère divine envers cette ignominie rock'n'rollesque. Voilà. Donc du coup, pourquoi je n'aime pas cet album? Eh bien, cet album est aux sonorités particulièrement new wave, qui va par contre amener un gros chef-d'œuvre derrière. Je veux bien entendu parler donc de Ghost in the Machine, qui est un album absolument génial, qui a marqué le renouveau total de Police dans leur nouvelle perception de la musique, et à savoir, leur ont fait plonger plus du côté new wave que du côté rock et reggae rock qu'ils avaient avant. Mmh. Ils ont sorti en quelle année, jusqu'où? Lequel, Ghost in the Machine? Ouais. 81 ou 82. Ah, pas longtemps après, quoi. Ouais, non, pas du tout longtemps après. Non, parce que le groupe s'est séparé en 86, je crois. D'accord. Avec Synchronicity. Oui, d'accord, ok. Voilà. Après, moi, je peux pas. 84. Je peux pas t'aider là-dessus parce que. Se sont séparés en 84. Donc, l'album Ghost in the Machine doit dater de 82, je pense. D'accord. Voilà. Parce que, qu'est-ce que j'allais dire, Zenyatta Mondata, après, est-ce qu'il a vraiment marché en soi? Est-ce qu'il a fait vraiment un flop à sa sortie ou pas du tout? Non, justement, c'est ça le pire, c'est qu'il a marché, mais il a marché parce qu'il sonnait variété, en fait. Mon père me disait qu'à l'époque, c'était le seul album de Police qu'on pouvait entendre en boîte de nuit. Oh merde. Mais vraiment. Oh merde, c'est, à ce point-là, ouais, ouais, c'était à ce point-là. Et donc, pour vous dire quand même que c'était vraiment, mais alors vraiment à chier, quoi. C'était de la new wave pop mâché dégueulasse, enfin le truc qu'on te vend dans un supermarché en t'enfonçant dans le crâne tous les titres qu'on te passe. Écoute toute la journée, c'est bien, écoute-le, voilà, c'est ça, c'est l'équivalent du frérot de la Vega d'aujourd'hui. Et je sais que ça m'a fait mal aux oreilles, ce combien cette allégation peut vous trouer le derche, mais je suis désolé, je le dis quand même. Voilà. Bah oui, mais ça m'a fait mal aux oreilles même, je sais. Voilà, voilà, voilà. Mais bon, il faut pas oublier quand même que Police, c'est aussi des albums comme Outlanders d'amour, Regatta de blanc, Ghost in the Machine, Synchronicity. Donc 5 albums au total, en comptant bien sûr l'album maudit, donc 4 bons albums. Mm. Donc je pense que quand même sur 5 bons albums, avoir fait juste un 5 albums avoir fait juste un raté dans une carrière musicale, ça peut, ça surtout peut, qu'ils sont très novateurs, enfin c'est Police, ils sont, mais je veux dire, extrêmement novateurs, parce que malgré tout ce qu'on pourra dire sur Zenyatta Mondatta, même s'il est pourri au dernier degré, c'est quand même cet album là qui leur a foutu un doigt dans la new wave. Oui. Et donc du coup c'est à partir de ce moment là où ils ont, c'est une métaphore pour l'anus, ouais, je pense, clairement. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que c'est à partir de ce moment là où ils ont changé littéralement de son et sont passés sur plus des morceaux comme Spirit in a Material World ou Synchronicity ou Mother. Alors Mother sur l'album Synchronicity est un morceau un peu particulier, je vous invite à l'écouter. Quand on vous dit qu'il ne faut jamais faire confiance à un batteur pour une compo, bah, regardez les Beatles, hein. Voilà. Yellow Submarine, les gars. Honnêtement, c'est pas un mauvais morceau, mais c'est un morceau qui est très très très étrange, vraiment. Donc voilà, donc là on va vous laisser donc avec un morceau du deuxième album, donc c'est le morceau éponyme de l'album qui s'appelle Regatta de blanc, qui est absolument génial. Et on se retrouve juste après. Et donc, nous revoilà après... Regatta de blanc. Hein. Exactement. Regatta de blanc de Police. Ce morceau est... Apparemment jouissive, vu ta tête. Juste incroyable. Mais écoute, moi, je me suis jamais intéressé vraiment à Police. Je connais vraiment les plus connus. Police, c'est la langue de feu du dragon qui te caresse à la verge jusqu'à la rosée du matin. Oui, c'est ton maître de Fujitsu qui disait ça. Exactement. D'accord, bon, bah du coup, moi, j'ai passé à mon petit groupe aussi. Hein, parce qu'on en a pas assez parlé, je pense. Hein, c'est comme des Beatles. Oui, bah oui, hein, évidemment. Ce groupe qui, déjà de base, me remplit de joie. Ça va, Bon. Il y a un album qui est bien, c'est When and When and When and People Say I Am Don't Know What I Am. Comme vous avez compris, on va parler d'Arctic Monkeys. Voilà, hein. Et c'est Whatever People Say, That's What I'm Not. Voilà. Hein. Mais aujourd'hui, on va parler forcément, vu le thème de l'émission, du meilleur album, entre guillemets, bien sûr. Bon, le groupe, hein, je vous le présente plus. Pour ça, il faudra aller voir l'émission sur les années 2000 de Rock and Talk de la première saison, hein, n'est-ce pas? Oui, ça c'était un petit clin d'œil à la première saison aussi où tu faisais des bruits de merde. Voilà, c'est ça. C'est le culte du troll radiophonique. Bon, pour les formalités, c'est l'album qui est sorti le 6 juin 2011 sous Domino's Record. Enfin, c'est pas Domino's, c'est Domino, parce que ouais, Domino's, c'est Domino's Pizza. C'était prévu pour se casser la gueule. Non, parce qu'ils ont quand même travaillé avec de bons groupes qui restent Franz Ferdinand ou The Kill. Enfin, des bons groupes pour moi, hein, pas pour toi, je le sais très bien. Et c'est le quatrième album du groupe et qui est composé de 12 pistes. Alors premièrement, je vais pas vous le cacher, j'avais salement... C'est long. Donc premièrement, excusez-moi, j'avais salement peur déjà de faire des recherches sur cet album rien qu'au nom. Ce qui t'en si. Littéralement, suce ça et regarde. Alors tapez ça sur Google, vous allez voir sur quoi vous allez tomber comme site. Bon, après plus sérieusement, c'est une expression anglaise. Hein. Ça signifie en gros, tente le coup et vois ce qui se passe après. Comme quoi, je trouve que ce nom d'album est pour le coup très très bien choisi. Bon après, selon mes recherches, ça serait une référence à Orange Mécanique de Kubrick. Apparemment, ce serait écrit sur un écriteau à un moment dans le film. Mais ça reste à prouver, entre guillemets, bien sûr. Je sais pas si tu vends le DVD, là. Bah écoutez, on se retrouve juste après, on va voir le DVD. Voilà, non, dans 2h30. Plus sérieusement, pourquoi j'aime pas cet album? Alors déjà, grossièrement, c'est un album indie, on va pas se le cacher. L'indie, on reviendra après dessus, parce qu'on va parler d'Oasis. Donc on vous donnera la définition tout à l'heure. range tes dents. Et qui n'est pas du tout, pour le coup, ressemblant au style d'Arctic Monkeys. Ce côté Britpop, mais qui attaque un vachement, qu'on retrouve d'ailleurs dans le premier album et dans le deuxième album aussi, qui s'appelle Worst Nightmare. Et voilà, le problème c'est ça, c'est qu'on a pu, on dirait que Alex Turner, donc le chanteur, n'a donné aucune vie, aucune ampleur à cet album-là. Déjà, ça se sentait énormément, et ça c'est unanime. Par contre, ça se sentait déjà un peu sur Humbug, le troisième album qui était beaucoup plus calme, beaucoup plus posé que les précédents albums, qui arrachaient beaucoup plus, qui donnaient vraiment envie de bouger partout. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. On est d'accord. Tu m'as fait friser les cheveux. Il s'y attendait pas en fait. Je lisais mes notes et puis d'un seul coup, je suis sorti comme ça d'un buisson. Oui, c'est ça. Oui, je suis d'accord. et même, enfin, je pense que les Arctic Monkeys et plus précisément Alex Turner, ils se sont rendu compte que cet album a pas trop marché déjà, qui plus est parce que ils ont pas fait une énorme tournée sur ce Kit & Si. Ils ont fait, je crois qu'il y a même pas eu un an de tournée. Et parce qu'en fait, ils sont énormément concentrés justement sur l'album AM qui est sorti en 2013. Oui, 2013, c'est ça. Ta-da-dan-dan. Et non, mais cet album est très très bon. Et ça, je vous l'avais déjà expliqué dans l'émission des années 2000, mais en gros, ils sont vraiment allés s'exiler aux États-Unis pour avoir ce côté british et l'acharnement, enfin le côté américain, tu sais, qui tape, tu vois. Et bah déjà, en fait, ce Kit & Si avait été écrit aux États-Unis, mais je pense qu'ils n'étaient pas encore assez imprégnés de la culture américaine. Ouais, non. En fait, ils l'ont écrit dès qu'ils sont arrivés aux États-Unis, et sachant qu'ils avaient quand même le côté british, les bars, tout ça, qui est, je ne vais pas dire plus facile qu'aux États-Unis. Les bars, des bars. Et du coup, tu m'as fait perdre ma phrase, espèce d'enfoiré. Non, et oui, pour moi, ils ne sont pas assez intégrés dans la culture, alors que là, quand ils sont revenus avec AM, ils ont mis une grosse claque. Mais pour moi, ce Kit & Si, ça a été vraiment une déception. Et, parce qu'en fait, j'ai vraiment commencé à écouter l'Arctic Monkeys, en plus, en 2011, hein, vraiment, enfin 2010-2011. et avec bon avec les plus connus. Et dès qu'il est sorti, j'étais limite impatient de l'avoir. Et quand je l'ai écouté, j'étais ah, putain les gars, je sais pas, vous avez un talent et vous l'écrasez par terre et juste on va sortir un album parce qu'on arrive aux États-Unis quoi. Je sais pas, j'ai trouvé ça dommage. Après, vous pouvez l'aimer si vous aimez le indie. Pauvre de vous. Oui, mais tu comprends, je m'appelle Jean Hipster. Pour moi, le indie, c'est trop mainstream. Incroyable. Parce que justement, la pop mainstream, j'y chie dessus totalement avec mon bol de boulgour et ma tasse de quinoa. Ma tasse de quinoa. Oui. Ah oui, bien sûr. Ça se tente. Hein. Mais du coup, mais écoutez-le. Moi, ce que je vous dis dans tous les albums, de façon dont on va vous parler, écoutez-les. Faites-vous un avis dessus. Mais je pense que si vous aimez l'Arctic Monkeys, vous n'aimerez pas ce Kitten Sea. Je pense que ça marche. Ouais, là, on est d'accord. C'est comme avec les films de Tarantino. Les gens qui n'aiment pas Tarantino aiment bien Kill Bill. Voilà, tout simplement. Moi, j'aime bien Kill Bill. Bah, moi aussi, parce que j'aime tout Tarantino. Voilà. Mais les gens qui n'aiment pas Tarantino aiment Kill Bill. C'est un truc de fou. J'ai remarqué ça. Je vais faire une thèse là-dessus. Ouais, fais une thèse. Prolonge ton sujet. Explique-nous. On veut donc un rapport de 90 pages, bien sûr, pour lundi matin. Oui, bah oui, j'allais te le dire. Oui. Voilà. Bon, pour pallier à cet album, on va quand même s'écouter le début des Arctic Monkeys. On va s'écouter une musique du premier album. Cannot get angry in the same way. No, not in the same way. Cet album-là est vraiment bon. Pourquoi je l'ai acheté? Enfin, non, on me l'a offert pour un Noël. C'est un de mes camarades de classe en terminale. Mes camarades de classe. Ouais. Donc, voilà. Bon, on va reculer dans le temps cette fois. On va revenir. Et là, donc, nous passons des années 2000. Ouais, nous faisons un bond de 30 à 40 ans en arrière. Un bon 30-40 ans. Ouais, voilà. Et donc, roulement de tambour. Ah, bah oui. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, vous avez insisté, vous l'avez voulu. Et voici pour vous toute l'horreur humaine concentrée dans un album. C'est un petit peu beaucoup, Antoine, ça. Ouais, t'as raison. Bon, c'est juste un bon gros album de merde. Et voilà, donc, on ne présente plus les Doors. Des artistes aux multiples disques d'or et de platine, ayant même influencé une flopée d'artistes majeurs. On parle pas. Et ayant pondu quand même des titres qui font partie des titres les plus connus et les plus incontournables de toute l'histoire de la musique. C'est bien simple, mes amis. Même Jules, en prenant son bol de poppers le matin, écoute les Doors. Tu vas sûrement en enfer pour cette phrase. Oui, je sais. Bon, enfin, ouais, bon, c'est sûr. Sur cette phrase, tu iras en enfer. Oui. Mais me direz-vous, mon cher Antoine, mais qu'est-ce que c'est donc que tout ça que ce pataquès? Tu ne nous avais pas dit que tu nous parlerais d'un album de merde. Eh bien oui, jeune étudiant, tu as bien entendu. Je vais te parler d'un album de merde. Comme cette émission le montre si bien, même les meilleurs groupes se sont cassés la gueule. Mais attention, on ne parle pas du cassage de gueule, petite foulure, tout ça. On parle du gros cassage de gueule, sa mère, avec grosse fracture du crâne et triple contre... triple contusion crânienne. J'y suis arrivé, c'est fabuleux. Et donc voici l'album The Soft Parade des Doors. Donc sorti le 18 juillet 1969 sous label Elektra, label qui a aussi porté Queen and les Stooges, rien que ça quand même, hein. Avec donc 9 pistes dans la version originale et 15 dans la version remasterisée. Alors ça je te coupe 2 secondes, mais comment ils ont pu rajouter des pistes dans une version remasterisée? Avec des secret tracks enregistrés par Morrison. En fait, ils ont récupéré les bandes de l'enregistrement voix de Morrison qu'il avait fait pour des Rush Studios. Et les Doors ont joué de la musique derrière sur ces morceaux. Et voilà. Le fric, quoi. Oui et non, enfin oui. Sur bon, cet album, si. Cet album dure 34 minutes. Alors pour vous, 34 minutes, c'est peut-être rien, c'est le trajet maison-boulot, boulot-maison. 34 minutes, c'est peut-être le temps que vous faites pour faire comme papa et maman dans le lit. 34 minutes, c'est aussi pour gagner une partie d'échecs. Mais 34 minutes, vous n'avez pas idée de combien ça peut être long quand on écoute cet album de merde. The Soft Parade, c'est un album pourri du début jusqu'à la fin, à tel point que Morrison était tellement torché et défoncé quand il a enregistré cet album que Paul Rothschild a autorisé sa copine à rentrer en cabine de chant pour lui tailler une pipe pour essayer d'avoir un brin de voix au-dessus de l'autre. Mais vraiment... C'est beaucoup quand même, ça. C'est... Ah non, vraiment, vraiment. Alors, pour citer un morceau sur cet album, je pense à notamment Touch Me Babe, qui est sorti donc du coup de ce qu'on s'appelle, de cette fameuse session turlutesque, si je puis me permettre. C'est le don de former des phrases incroyables. Oui, je suis capitaine néologisme. Et donc du coup, ce morceau pourrait être un bon morceau si Paul Rothschild ne l'avait pas forcé à rajouter des sections cuivre parce que sous prétexte que ça se vendait bien à l'époque. C'est un album qui se vend, quoi. C'est bien ce que depuis, voilà, ce qu'on voit depuis le début au final. Hein. C'est ça. Au final, c'est en fait, on est en train d'étudier les plus grosses ventes des groupes qui en fait sont peut-être leur album leur plus à chier. Tout ça, c'est pourquoi clair. Pour vous démontrer quoi? Que la société consommation et mercantile est en train de pourrir le monde artistique. Voilà. C'est très bien imité. Je sais pas qui voilà, c'était, mais c'est non, mais c'est pour contenter le petit étudiant Baba Cool du Mirail. Attention, on ne vise personne. Ouh là là là là, je sens que je vais me faire taper lundi en arrivant à la fac. Alors, c'est Antoine Couput son nom, hein, juste, il est en anthropologie. J'habite au 10 rue Claudius rue 31 000 Toulouse. Voilà. C'est déjà pas mal, t'as donné la ville. Oui, bah ouais. Après, on peut toujours se fourrer de doigts dans le fion pour essayer de me retrouver. Hein. D'accord, très bien. Voilà. Pourquoi tu l'aimes pas cet album, dis-nous tout. Pourquoi je l'aime pas? Bah parce que c'est un album qui est un peu comme Zenyatta Mandata, qui sonne très pop. Extrêmement variété, world music avec ces espèces de sections cuivre qui sont mais infâmes, qui pourrissent l'album de A à Z, parce que honnêtement ça aurait pu être un bon album, et la preuve en est qu'il s'est quand même classé disque d'or, comme tous les albums des Doors, et notamment le premier qui a été disque de platine, donc quand même qui révèle un certain potentiel de vente, un certain potentiel créatif aussi. Encore une fois, la notoriété. La notoriété. Et il faut savoir aussi que le premier album des Doors a été l'album le plus envoyé contre quelques 600 000 exemplaires au Vietnam. Ah ouais ? Ouais, l'album de l'histoire de la musique qui a été le plus envoyé aux soldats américains, aux jeunes soldats américains au Vietnam. D'accord, je pensais aux Vietnamiens. Ouais, non, tout ça. Pour la guerre. Voilà, non, les événements. Pour les événements qui ne sont jamais passés. Voilà, exactement. ce message vous a été mandaté par Nixon. On ne vise personne. Non. Encore une fois. Ouais, non. Sinon, je vais me faire des ennemis. Déjà que t'en as pas mal. Ouais, c'est ça. Ça va être, je vais trouver deux hommes en noir demain matin devant ma porte. Antoine Couput. Non. Antoine Couput. Maintenant, tu es un étudiant modèle et tu ne boiras jamais d'alcool. Je suis un étudiant modèle et je ne boirai jamais d'alcool. Bon, ce rêve utopique, cette utopie, je pense que... Ça se fout de ta gueule dans la salle. Ouais, je pense que là, l'assistance est en train d'allègrement se foutre de ma gueule quant à l'utopie que je viens d'énoncer. Et si on revenait à l'album des Doors, tiens. Et donc voilà, donc cet album, je ne l'aime pas du tout parce que justement, voilà, il sonne caca, en fait. Il sonne mou, il sonne pas Doors, il sonne pas créatif, il sonne pas révolutionnaire comme sonnaient les Doors à l'époque. Ça a pas la patte Morrison, ça a pas le son Manzarek, ça a un son variété qui est fade, qui est lissé en fait. Est-ce qu'ils s'en ont rendu compte déjà de ça ? Oui. D'ailleurs, c'est sur l'enregistrement de cet album que Jim Morrison a déclaré faire une dépression nerveuse et que personne ne l'a écouté et que surtout son producteur l'a forcé à faire l'album. Ah, c'est pour ça. Voilà. D'accord. C'était un album qui était vraiment pas voulu et de tous. Ah bah, si déjà l'artiste, en plus qui plus est Jim Morrison, ne voulait pas faire l'album, tu m'étonnes que ce soit un album de merde. Voilà, si tu mets pas de vie dedans. Ça a été vraiment un album maudit sur tous les plans, je pense. Ça, s'il y a bien un album qui peut être classé comme parmi les 10 albums maudits de l'histoire du rock, celui-là en fait partie largement. Ah ouais, carrément. Toi, tu places la barre assez haute, quoi. Bah ouais, parce que c'est sur cet album-là, justement, comme je l'ai dit, que Morrison s'est rendu compte qu'il faisait une dépression nerveuse. Et ça a été une des conséquences aussi pour lesquelles je pense qu'il est mort. C'est que personne ne l'a écouté et personne ne lui a dit « Mec, il faut que tu t'arrêtes, maintenant tu prends 6 mois de poste, tu te barres en vacances au soleil et si tu veux aller te baiser des nanas, tu vas te baiser des nanas, si tu veux te mettre de la coque plein le nez, tu vas te mettre de la coque plein le nez, mais repose-toi et reviens avec de nouvelles inspirations et de nouvelles idées parce que là c'était il était au bout du rouleau quoi. Et Les Women était sorti avant ou après? Après, juste après. Après. Et justement, il est revenu après cet album avec de nouvelles idées et un renouveau blues en fait, vraiment. Parce que à partir de cet album-là, les Blurs, bien sûr. Les Blurs. Les Blurs. Les Doors donc, vont sonner vraiment beaucoup plus blues qu'avant. Notamment avec Roadhouse Blues, avec LA Woman. Oui. Des morceaux dans cette trempe-là, voilà. Et qu'on va s'y mettre après. Du coup, voilà, ça nous fait la transition. Donc, oh là là, quelle transition, quel artiste. Oh, mais oui, mais je suis un génie transitif. Mais faut pas oublier, malgré tout ça, que les Doors, c'est quand même. Ah ben les Doors, c'est quand même une musique avec une personnalité énorme. En la présence de Jim Morrison, donc qui a marqué, qui a été souvent imité, mais jamais égalé. À tel point qu'aujourd'hui, le style des Doors est reconnaissable entre tous. Quoi. Enfin, n'importe qui. Rien que le clavier. Clavier avec son cabinet Leslie, son clavier Continental. C'est un son qui est propre aux Doors, vraiment, et qui est absolument génial. Et donc, on va vous laisser avec l'album LA Woman, avec le titre éponyme de l'album LA Woman. Alors, asseyez-vous. Asseyez-vous. Et lancez votre transistor. Et régalez-vous. If they say I never loved you, Et donc nous revoilà donc après LA Woman. Donc quand je vous dis que ce morceau est génial, écoutez l'album aussi, il est tout aussi génial. C'est plat en cette version-là. Je suis désolé, ça fait le chieur, mais je l'ai en vinyle et c'est tellement plus rond comme son. C'est tellement plus. Mais je pense qu'on peut dire ça sur n'importe quel album. C'est comme tout à l'heure, on s'est écouté. C'était quoi qu'on s'est écouté ? C'est Harvest de Neil Young. Et ça n'a pas la même vie, c'est un truc de fou. Alors, si tu veux, la prochaine fois, tu prends ta platine et on l'embranchera au PC. Oui. Enfin, si c'est possible. Oui, c'est possible. Ah ben voilà. C'est lourd à porter. Eh ben, on prendra ta platine, on prendra nos vinyles, on fera une émission spéciale vinyle. Tu viendras à Montpellier avec moi. Ça serait bien de faire un What's in my back. Oh. Non mais, non mais sérieusement. Je sais pas si vous entendez, j'applaudis. Mais un What's in my back de bac à vinyle. Oui, j'ai compris. Mais, ça peut, mais mec, ça peut vraiment être cool comme émission. Eh ben écoutez, c'est à réfléchir, je pense. Voilà. Mais en attendant, on va refaire un bond dans le temps, hein. Enfin, un bond dans la merde, hein. Ouh là oui, là oui, là je pense que là c'est une fosse sceptique. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de fermer les yeux, s'il vous plaît. Imaginez deux secondes une réunion dans le groupe Green Day. Hein. Déjà une réunion dans le groupe Green Day, je trouve ça c'est rigolo. Bref. Bah, j'imaginais le truc, genre, ils arrivent, et les gars, j'ai une idée. Si on refaisait un album comme avant, avec la vraie âme du groupe, comme les gens nous ont aimé à l'époque American Idiot. Ah ouais, carrément, putain, je suis trop chaud. Non, je déconne. Allez, venez les gars, on va écrire un album avec le cul, et on jouera de notre notoriété pour bien les vendre. Mais ça va pas. On a qu'à en faire trois, mais on les sort à un mois d'intervalle, et on finit par le dernier, à la période de Noël. Mais c'est une sacrée bonne idée. Donc c'est comme ça, en fait, que j'imaginais, en fait, cette fameuse réunion et cette... Comment j'imaginais la création de ces trois albums ? Parce que oui, je vais vous en parler de trois d'un coup, sinon c'est pas drôle. Parce que c'est censé être une œuvre intégrale. Oui, une œuvre intégrale, bien sûr, une œuvre, bien sûr. Alors pour résumer, pour citer encore une fois notre cher Wikipédia, donc l'album Uno est sorti le 12 décembre 2012, Dos le 13 novembre et Trey le 7 décembre. Qui, je signale, est à peine 14 jours des fêtes de Noël. Oui, comme par hasard. Voilà, donc au moment où on peut faire des bonnes ventes, tu vois, vendre de la... sans que les gens s'en aperçoivent. Voilà, avec un petit peu de vaseline au bout. Il est enregistré sous le label Reprise. Et notez bien le nom, ça sent déjà la merde à plein nez. Ça sent le label, tu sais, de Berlin-Est. C'est exactement ça. Donc, il est composé, de 12 pistes pour Uno et Trey et de 13 pour Dos. Alors, déjà, on va commencer par la première question qui me vient à l'esprit. Pourquoi trois putains d'albums ? Ça serait, je pense, c'est pas, moi, ça me viendrait plus à l'esprit de, bah, je sais pas, de faire un album auquel tu te poses, tu réfléchis, tu t'écris, tu fais des choses sensées, tu les vends. Enfin, je sais pas, t'as envie de secouer Billy Joe Armstrong et dire, mec, t'as sorti American Idiot, un des meilleurs albums de punk californien de l'époque, quoi. Je veux dire, le mec, il... Ah, je sais pas, c'est grave abusé, trois albums d'un coup. Qui plus est, je sais pas si vous avez écouté les trois, mais il y a des passages, c'est juste la même instru et pas du tout les mêmes paroles. Ils ont juste changé les paroles. Je sais pas, il a dû avoir une inspiration d'écriture, mais au niveau musical, c'est plat, enfin ça c'est nul. Je sais pas qui a l'idée de faire ça. Je trouve ça un peu con. Enfin après. Là, pour la petite anecdote, c'était les Kinks aussi qui avaient fait ça avec leurs deux musiques hyper connues, dont je ne me souviens plus. You Really Got Me, ouais. Et Girl, I Want to Be With You. Ouais. Mais alors là, non, c'est pas exactement... C'est le même riff, mais les accords sont échangés. Oui, voilà, c'est ça. Mais alors que là, c'est le même riff, c'est la même base musicale, je veux dire, et c'est juste les paroles qui ont changé. C'est d'une simplicité, c'est là pour que... Enfin, moi, je trouve que c'est le summum de l'album qui est juste là pour se faire du fric. Ah, c'est facile, c'est la facilité. Mais c'est exactement ça, c'est la facilité. Et qui plus est, enfin, les albums n'ont pas marché du tout, même en période de Noël. Enfin, les gens l'ont acheté, pourquoi ? Parce que Green Day, ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas sorti d'album. Le dernier, ça avait été 21st Century Breakdown. En 2009. Ouais, qui n'était pas mauvais en soi. Enfin, moi, Pop. Oui, mais bah, après, tu me connais, moi, j'aime bien la pop. Ouais, mais... Enfin, le pop rock. Mais 21st Century Breakdown n'était pas mauvais. Je veux dire, bon, si tu compares American Idiot, si, un petit peu. Mais il avait vachement bien marché. Et là, ils arrivent avec Undos Trey. Les gens, ils s'attendaient à un truc de ouf. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ils ont perdu toute crédibilité. C'est-à-dire, la dernière fois, j'écoutais la radio. Et ils passaient une musique de Green Day. Et direct après, le mec, il fait, voilà un extrait de l'album, du dernier album de Green Day. Et moi, j'étais là, c'était une Dostré. Et alors que pas du tout. Enfin, je veux dire, ils ont sorti un album il y a un mois. On n'en a même pas entendu parler. Ils ont perdu toute crédibilité aux yeux, enfin, déjà aux yeux du rock et aux yeux de aux leur yeux public. Surtout des c'était les jeunes, enfin, les jeunes qui maintenant sont en train de grandir un peu, comme toi et moi, qui écoutaient ça. Et quand on voit ce qu'écoutent les jeunes d'aujourd'hui, ils sont plus du tout dans ce genre de considération. Du coup, ils ont perdu une espèce de partie de leur public. Du coup, ils visaient l'adolescent boutonneux entre 14 et 16 ans. Surtout, ouais, voilà, c'est, je veux dire, tout évolue. Avant, c'était. Avant, entre guillemets, c'était la mode quand ils ont sorti Dookie et tout. Mm. T'avais Sum 41 qui était là aussi, t'avais Offspring. Eux, enfin, ils formaient vraiment un truc qui. C'était l'ado rebelle américain qui écoutait ça. C'est ça. Là, ils ont. Je sais pas, il manque un truc. Alors que. Parce qu'ils sont trop vieux maintenant pour jouer ça, ils ont perdu leur authenticité. Je sais pas, Billy Joe Armstrong, il doit approcher. Ils ont pas loin de la cinquantaine. Mais voilà, c'est ce que je veux dire, ils ont pas loin de la cinquantaine. Ouais, ouais, ouais. À la limite. Fasse un truc un peu plus posé, un peu plus mature, un peu plus mature, exactement. Voilà, ils manquent de maturité dans leur musique, du coup ça les fait perdre en crédibilité, parce que ils jouent une musique qui correspond plus, enfin entre guillemets, à leur âge. Tous les groupes, si on les regarde bien, notamment les Stones ou des trucs comme ça, ont suivi, en fait leur âge a suivi aussi leur production musicale, totalement. Alors que eux sont vraiment restés enfermés dans j'ai la vingtaine, je fais du skateboard comme un trou du cul au fond d'une piscine abandonnée dans une maison abandonnée, et je me fume un joint avec les potes et de temps en temps je me fais une trace de coke, et ensuite le soir à 6h on va sur la plage se mettre une cuite et faire du surf. Sauf que c'était dans les années 90, début 2000, voilà. Et c'est ce que font les jeunes d'aujourd'hui, certes, mais quand les jeunes d'aujourd'hui entre 14 et 25 ans, oui, et plus quand t'as 50 ans. Donc du coup, comme cette musique-là reflète ce message-là, mais que eux n'ont plus l'âge, entre guillemets, de refléter ce message-là, je pense qu'ils ont perdu totalement en crédibilité, en authenticité par rapport à ça. C'est con parce que 21st Century Breakdown, il était plus, justement, un peu plus mature au niveau des paroles. Oui, il était plus mature, ouais. Il était plus impliqué. Après, cet album-là, Bang Bang, est très... enfin, non, c'était Radio Transmission, je crois, un truc comme ça. Et Radio Clash, je crois qu'il s'appelle. Oui, enfin bref. Enfin bref. Il y a radio dedans. C'est déjà pas mal. Oui. Mais... les paroles sont par contre politiquement impliquées, il y a un message derrière et tout American ça. American Idiot aussi. Oui, mais voilà, de toute manière, toute l'œuvre de Green Day, même s'il écrit comme un enfant de 14 ans. Dookie, c'était quand même vachement. Genre, je suis un putain de rebelle, gros. Ouais, ouais, mais quand même, l'écriture de Billy Joe, c'est un enfant de 14 ans poussé aux stéroïdes, quoi. C'est ni plus ni moins. Oui. C'est la société, c'est le mal, et voilà. Mais il y avait quand même une certaine réflexion derrière, alors que celui-là replonge dans vraiment, même musicalement, dans les travers musicaux de Green Day, c'est à savoir. Que du power chord et on fait après c'est ce qui marchait avec Green Day aussi, mais c'est ce qui marchait avec Green Day aussi, mais c'est à 50 ans le power chord, t'as appris des choses avec oui. C'est clair, voilà quoi. Mais moi j'étais énormément déçu. Après je vais pas vous dire que j'ai écouté les trois albums, j'ai écouté, on va dire que j'ai pioché certaines pistes dans les trois albums, mais pour le coup, même en prenant au hasard, enfin il y avait rien à tirer, enfin je veux dire je sais pas, c'est hyper décevant, et c'est que je reviens sur ma phrase, ils ont perdu de la crédibilité au niveau de la musique, au niveau du rock. Et s'ils reviennent pas avec un album qui est bien, qui leur correspond, parce que la musique que je te disais que j'avais écoutée à la radio la dernière fois, elle était pas si mauvaise. Je pensais que justement c'était même une musique d'avant Uno Dostré. Et je pense que ayant perdu la crédibilité, même s'ils font quelque chose de bien, on va pas en entendre parler. Comme là, en fait, tout simplement. Ben non, parce qu'ils sont plus bankable, tout simplement. Ils sont quoi ? Plus bankable. C'est-à-dire ? Vas-y. C'est comme un acteur, c'est comme au cinéma, un acteur qui a réussi, qui a fait un bon film, qui a réussi ou quoi, on va l'engager dans d'autres projets parce qu'il est bankable. On sait que c'est un acteur qui va rapporter du fric. Ben eux, ils étaient bankable entre 1995 et 2005. Maintenant, ils sont plus du tout bankable. C'est plus un groupe sur lequel les producteurs vont se baser, c'est plus une notion sûre. Oui, ouais, c'est sûr. C'est ça. Bah, du coup, pour compenser ça, on va peut-être s'écouter American Idiot. Exactement. Encore une fois, de l'album éponyme. Et voilà. Histoire de se remettre dans nos jeunes années. Voilà, avec la mèche rebelle et le baggy, avec la chaîne qui pend sur le côté. T'as un ingénieur son d'ailleurs. Oui. voilà. Sauf qu'il y a quand même le cancer du pancréas en moins, c'est le paquet de gitane sans filtre non plus. Aussi. C'est sûr. Allez, on s'écoute ça, on se retrouve juste après. We'll be right back. Ce morceau, on est d'accord pour se dire que ça donne envie de faire du skate. Complètement. Et jouer à American Wasteland sur PS2. Exactement, ce jeu était génial et ce jeu, je pense, a éveillé la culture musicale rock de beaucoup de monde. Oui, bah, on est d'accord que... Bah, déjà, il y avait du Green Day, hein, tout simplement. Même pas que ça, mais qu'il y avait du Ramones, il y avait du Dead Kennedys, il y avait des putains de bons morceaux et de bons groupes dedans. Tout ce qui fait la maturité rock, quoi. Exactement, pas du tout des trucs que t'écoutes quand t'as 16 ans et demi, que t'es boutonneux et que ça fait... Sympa le petit bruitage. Ouais, je sais. Bon, c'est spécial dédicace à notre ingé. Je sais pas si vous entendez mes mains se frotter, mais là, on va passer à Oasis et l'amour qu'on porte à Oasis. Hein, on est d'accord là-dessus, mon cher Antoine. Comment t'expliquer que... Alors déjà, j'aimerais comprendre un truc. On va en parler tous les deux. J'aimerais comprendre un truc. Pourquoi tout jeune guitariste se sent obligé de jouer à un moment donné ou à un autre dans sa vie Wonderwall, enfin, je veux dire, pourquoi il y a tellement de morceaux c'est plus simples déjà, oui, et beaucoup mieux. Enfin, je... mais tu comprends, c'est le côté maybe. Non, mais c'est pas ça, mais genre, je sais pas, il y a comme un truc dessus que la guitare va avec Wonderwall pour draguer des meufs. Lol. C'est ça, mais non, tu comprends, c'est un son en fait, comme c'est des accords qui sonnent bleus. Tu comprends, quand si tu le joues sur la plage, à la pleine lune, avec un feu de camp et trois surfs derrière toi, il paraît qu'il y a Pamela Anderson qui arrive. Ça, c'est une légende urbaine. Non, c'est une prophétie. Et du coup, pourquoi on n'aime pas ce groupe? Alors, déjà, je pense qu'on a un problème tous les deux. Sur le indie, le principe du indie, j'aimerais qu'on me l'explique. D'ailleurs, j'aimerais vous lire juste, je suis allé chercher la définition du indie pop sur internet et c'est quand même assez fabuleux et je pense que pop, ça va te faire rire. Alors, indie pop, dérivé du punk et post-punk, entre le punk et la new wave, utilisé pour qualifier toute forme de pop qui ne répondant pas aux critères du mainstream. Alors, déjà, quand on déjà, il y a eu punk. Non, déjà. Ils de ont base, dans punk. Une définition, quand tu dis mainstream, c'est qu'il y a déjà un problème. Punk. Pourquoi? Mais non, mais je sais pas. T'as envie de dire, est-ce que vous avez déjà écouté Oasis? Il y a quoi de punk? Il y a quoi de new wave là-dedans? Je veux dire, qui est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est juste mou, mièvre, les moches, des grosses pleureuses. Non, en soi, bon, déjà, on peut dire que Oasis fait du Oasis. Ils ont leur truc, mais bon, même si c'est leur truc de merde. Enfin, encore une fois, rappelons que cette émission est un avis personnel. Attends. Oasis, pour moi, c'est tu prends un tas de merde, tu rajoutes de la merde dessus. Éventuellement, tu mets de la merde en décomposition. Attends, ça fait beaucoup trop de merde. Et si ce tas de merde avait un animal de compagnie, Oasis serait la merde de cet animal de compagnie du tas de merde. Je suis désolé, chers auditeurs, pour cette phrase. Littéralement, je ne sais pas qualifier ce que tu viens de dire. C'est bien simple. C'est la merde qui se terre au fond du tas de merde. Bon. Merde. Pour revenir juste vite fait sur Oasis, c'est pour la formalité. C'est un groupe, je ne sais pas si vous le savez, mais qui est britannique de base. Et britannique ta mère. Allez, c'est reparti chaque fois que je dis ça. Il est obligé de sortir cette vanne. Bref, c'est donc un groupe anglais. Qui s'est formé en 91. Et alors ça aussi, ça m'a fait beaucoup rire. Entre 94 et 98, on a quand même donné le nom de Oasis Mania. Oasis Mania, les gars. Enculé. Non, mais c'est ça. À un moment, oui. En fait, pour moi, Oasis, c'est Wonderwall qui... Enfin, je sais pas, c'est... Wonderwall. Non, mais Wonderwall a marché, ok. À la limite, on peut le comprendre. Mais je sais pas si t'as déjà écouté les autres morceaux d'Oasis... Et même, je sais pas si t'as su, ils ont après les frères Gallagher quand ils se sont séparés, ils ont fait une carrière solo chacun de leur côté. Nul. Je sais pas, c'est mou, c'est nul. C'est nul. C'est fade, c'est mou, c'est lisse, c'est comment ça s'appelle, limite à la limite de l'écoutable tellement c'est commercial et lisse. Pour moi, c'est l'adolescent dépressif des années 90. Mais même pas l'adolescent dépressif des années 90. C'est Kurt Cobain. Oui. Oui, non, d'accord. Oui. Non, ça c'est juste l'adolescent pseudo-dépressif pour faire peur, pour plaire aux nanas, parce que ça fait mystérieux, tu comprends. Ouais, il y a toujours ce truc avec Oasis, que je comprendrai jamais pourquoi ça a tant bien marché. Et ça, j'aimerais bien comprendre, tu vois. Est-ce que tu comprends Rory Gallagher sous ses petites lunettes rondes avec ses reflets dedans dans le clip de Wonderwall? Il est tellement mystérieux. Ouais, mais non, mais enfin, je sais pas, c'est pour essayer d'un peu argumenter la chose. C'est pas parce que tu sais jouer de la guitare, que tu sais enchaîner trois accords et que tu sais dire que la vie, bah, c'est pas cool, que tu vas forcément faire quelque chose de bien. Je pense que, justement, il y a eu un truc avec Oasis qui a inspiré, entre guillemets, quelque chose qu'il fallait pas. Je veux dire, Oasis a donné son petit truc en disant « Ouais, oh là, tu mets une guitare, tu mets du violon de temps en temps et tu dis que la vie, c'est de la merde, ça passe. » Et que du coup, il y a une espèce de vague de gens qui ont fait ça. Non, enfin, je veux dire, Nirvana a su faire quelque chose de grunge. Enfin, ils ont du Nirvana. Mais Nirvana, c'était un coup de poing dans la gueule. C'était vraiment, pour le coup, c'était vraiment un message de putain, on a la haine. Ouais, putain, ça. Mais c'est quoi ce truc? On a la haine, allez tous vous faire enculer bien à sec avec du gravier. C'était ça le message de Nirvana. C'était un coup de poing dans la gueule. C'était de la violence pure et dure. Mais c'est ça. Alors que eux, c'était. Je te caresse dans le sens du poil. C'est ça. Je viens par là que je te brosse la mimine dans le sens du poil. C'est, oui, c'est aberrant. Ça. C'est non, mais vraiment aberrant quoi. C'est du. C'est fade. C'est pas créatif. C'est dommage. Dommage. Vraiment dommage. Je pense que Oasis. Et le pire, c'est qu'il a quand même osé. Rory Gallagher a quand même osé se comparer à qui? À John Lennon. Ah, là, tu me fais très très ah mal. Ah, ouais, non, mais ça. Pas parce qu'il a des lunettes rondes que c'est Johnny. Putain, ah, ouais, non, mais mec, ça fait vraiment mal. Enfin, c'est... Ah, c'est chaud, mec. Je savais pas ça. Là, tu m'apprends un truc. Ah, tu le savais pas, ça? Je déteste encore plus Oasis. Mais mec, Oasis, ils se sont séparés pour une question d'ego et de thunes, mon gars. Ils avaient un melon comme ça, les frères Gallagher, mais affreux, quoi. Mais surtout qu'en plus, au début, Oasis n'était composé qu'un des frères Gallagher. Oui. Je sais pas si tu savais. Après, il est venu se rajouter le grand frère, c'est Noël. Je crois Noël Gallagher, c'est, oui. C'est le grand frère. Noël et Rory. Ouais, c'est ça. Et Noël Gallagher a justement après a fait sa carrière solo. J'ai écouté l'album, c'est très moyen. C'est je sais pas comment te définir ça. J'ai une petite rectification studio. Oui. C'est Liam Gallagher. Oui, c'est Liam. Oui. T'as dit quoi? Rory. Ah oui, Rory Gallagher, c'est un autre. Ça, c'est un autre artiste. Oui, il s'est fait insulter dans la. Bon, je pense qu'on a assez donné notre avis. Bon, certes, donc voilà, donc peu... c'est la base de la pop de merde, me dit-on dans l'assistance. Voilà, je pense que c'est... Résumons voilà. La chose en disant ça. Mais encore une fois, je répète ce qu'on a dit au début de l'émission, ce n'est qu'un avis personnel. Et même si c'est pas forcément argumenté, qu'il y aura forcément des rageux qui... On aimerait bien avoir votre avis, des retours justement, qu'on n'a pas assez d'ailleurs sur les émissions. Et ce serait sympa d'en avoir. Exactement. Surtout sur cette chronique qui est quand même... beaucoup plus critique que d'habitude. Mmh. Ouais, bah d'habitude, ça a été... on est juste là pour vous présenter des groupes. Voilà, ça a été la roasting session. C'est ça. C'est à peu près ça. Et je pense que nous arrivons là, au terme de cette émission. Eh oui, nous arrivons à... ça y est. C'est le début de la fin. C'est plutôt la fin du début, faudrait continuer le commencement. C'est ça. Et ben je pense qu'on vous remercie, en tout cas, d'avoir écouté cette émission. Si vous avez tenu jusqu'au bout, si vous avez tenu à écouter... Antoine criait et s'énervait sur Zenyatta Mondata et sauf parade. Ah, et si vous avez tenu le flegme britannique, non, je ne le dirai pas, de notre ami Louis exprimant toute sa rage contenue, tel l'anglais de base, surtout sur les albums susnommés Uno, Dos, Tres et... D'ailleurs, pourquoi Uno, Dos, Tres? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que 1, 2, 3, ils sont trois dans le groupe. Non, ouais, déjà. Et pourquoi Très? Tu sais pourquoi? Non. Non, je sais pas. Tu sais comment il s'appelle, le bassiste? Ah bah oui, Très Cool. Ouais, Très Cool. Et c'est, je sais pas, c'est le jeu de mots de trop, en fait. C'est ce qui montre, encore une fois, qu'on appuie sur le... On appuie dessus, c'est genre, regardez, c'est de la merde. Ah, ah. C'est ça. Donc encore une fois, merci d'avoir écouté l'émission. Et voilà, un grand merci à toutes ces personnes qui nous permettent de vivre, d'exister, d'être là. Je veux bien entendu parler de du cher meilleur ami de l'homme, enfin du moins de l'animateur radiophonique, l'ingé son. Oui. Donc, alors nous, là, on le voit pas derrière, mais ils sont nous avec plus, nous. On nous voit pas, gros con. On nous voit pas, mais là, ils sont avec nous, avec tout la truffe au vent, le cargo préparé, avec toutes les clés à molette, le pancréas gonflé comme la prostate d'un homme de 80 berges. C'est absolument magnifique à voir cet élan total de vivacité dans leur regard. Voilà, et nous tenons à les remercier fermement d'être là avec nous chaque jour, de nous faire les montages des émissions et de nous faire aussi les enregistrements. Merci beaucoup, les ingé sons. Et merci à la Radio Montmirail de nous accueillir encore une fois pour une troisième saison. Et on va finir aussi sur penser à aller voir sur SoundCloud toutes les autres émissions, hein, parce qu'on n'est pas la seule et encore heureux. Mm. Sinon, ça marcherait pas trop, voilà. Radio Montmirail. Non, c'est con. Mais likez la page Facebook. Je sais pas si on a un Twitter. Est-ce qu'on a un Twitter ? On a un Twitter. On a un Twitter, bah oui. Attends, oui. On a la page, oui. On a la mode en fait. Voilà. On a un Snapchat ? Ah, dommage. Non, on n'a pas non plus de chaîne YouTube, encore dommage, raté. Mais bientôt, bientôt peut-être. Qu'est-ce qu'on me dit à l'oreillette ? On a un Instagram. On a un Instagram. Allez voir, c'est vrai ça. Donc voilà, et donc du coup, on va vous laisser sur un petit air de ZZ Top qui va annoncer la prochaine émission. Qui annonce la prochaine émission consacrée au rock sudiste. Effectivement, et je pense que déjà on a pensé au rock sudiste américain et on va se pencher sur le rock sudiste anglais. Est-ce qu'il y a du sud de l'Angleterre ? Est-ce que ça existe ? On ne sait pas. Du rock du sud de l'Angleterre. Est-ce qu'il y a des Texans ? Attends. C'est-à-dire qu'ils arrivent en Land Rover avec une tasse de thé à la main en voulant botter le cul des Français hors des frontières, c'est ça ? Ouais, tu vois bien les choses ? Avec un air très flegmatique. Exactement. Voilà. Allez, on se lâche sur les ZZ Top. Gimme All Your Lovin'. Et on vous remercie une dernière fois et on se dit à la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas. Keep on rocking, guys. Yes.